Şöyle yok, kapa şöyle ama. Özür. Özür. Jamais invisible, même dans les fantômes. Oh toi, chez toi, les keufs, mais t'es bandes jaunes. Banlieue ouest, grande zone. Chaque phrase commence par wesh. V2O, j'suis dans les grandes zones. Vente tu es, j'commence par yes. Et j'ai la moitié de la voix, c'est bien. Minimum 5 chiffres, c'est bien. Tous mes voeux de malheur, qui est bien. Dès le stade du check, car j'suis la Ligue 1. C'est la paix au du pas, hein. I'm chimique, dans leur grand-mère, on va les aider au sarin. Ton parfum, c'est le sapin. Sois rouge comme le dessous de ses escarpins. Tiens, plus j'ai le feu, Réunion Carla. Un million passé, un million par là. Leur carrière, leur classique, dans deux ans, on en reparlera. J'vais pousser les trans, mais voilà, et on en restera là. Tu veux du salzer, mais toi là, oh. Charmzer, mais voilà. Flot du Niger, que toi là, sans tu me surconseilles de Yahya. Tu veux du salzer, mais toi là, oh. Charmzer, mais voilà. Flot du Niger, que toi là, sans tu me surconseilles de Yahya. Aisé, aisé. La moitié là-bas, c'est bien. Minimum 5 chiffres, c'est bien. Tous mes voeux de malheur, qui est bien. Les stats du pied, car je suis la Ligue 1. C'est la BO du pas 1. I'm chimique dans leur grand-mère. On va les aider au sarin. Son parfum, c'est le sapin. Sois rouge comme le dessous de ses escarpins. Et j'ai pierre état dans la bouche, tu vas me remettre. Il n'y a que Braza que je regrette. J'braque pas les schnecks, j'erte les recettes. J'lui passe la bague au doigt, elle est refaite. La française, le bête en projet. Le sang c'est haram, n'y mélange pas l'islam et son prophète. Non, non, non, retire vos roquettes. Miami Vice, Cop Johnson, Sonny Crockett. Lunettes noires, sinon un cœur plein de cortèges. Négro armé comme au Tchad, dans tout le cortège. Comme dirait Dieu, t'es plein de foutaises. J'ai deux double UT qui me protège. Mon concert y était, c'est le cortège.